toute une histoire. Le rap c'est mon passé, mon présent, Inch'Allah mon avenir c'est ma prison. Et seule la mort peut m'en faire sortir, inséparable de moi. Comme la lune de la nuit ou le regard de l'œil du cap. Le rap c'est ma vie, c'est mon métier, mon chantier, ma partie de poker, mon moyen d'oublier le monde entier. Mon moyen d'avoir le sourire aux lèvres comme Marvin. Mon moyen d'écrire mon histoire et celle de ma vie, la fond au volant de ma vie. Le rap c'est comme la rue, trop sérieux ça s'éloigne. Si tu déconnes, te bannis, on te respecte si t'es droit. C'est comme dans la rue, tout le monde veut la place de l'offre. Le blé de l'offre, baiser le monde et se payer la femme de l'offre. C'est des petits, des grands, des petites, des grandes. Le rap c'est un refuge pour ceux que la vie étrange. C'est des kilomètres de nord, une passion, du bis, des euros. Le rap c'est l'existence de nous autres. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend charmer. On veut la marginale musique. Par amour du gain, par abat du gain, pour l'honneur des tiens. On veut la marginale musique. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais. On veut la marginale musique. Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais s'il nous faut pas. On veut la marginale. Mets-moi des bâtons dans les rouges, continuerai sur les jantes. Vise ma tête et mon rap entrera peut-être dans la légende. J'ai plus rien à perdre, le temps c'est du rap. Le rap si tu plais, le blé si tu l'es, pour les biberons de mon bébé. Je peux plus laisser quiconque monter le pain de la bouche. Si je me laisse mettre sur la touche, qui lui paiera ses couches. Le rap c'est ma drogue, mon sport. C'est là que j'ai mis tous mes espoirs. Je veux qu'il mentionne mon nom quand il raconteront son histoire. C'est trois places sur le podium, c'est qu'un trône, une seule couronne. Et autant de frères dans l'ombre qui veulent y poser leur couronne. C'est des vrais, c'est des traîtres. C'est des MC qui devraient prendre leur retraite. Mais aucun d'eux ne me fera battre en retraite. C'est tout un art après la famille, c'est tout ce qu'on a. C'est des jours, des nuits à écrire, mais quand on aime, on compte pas. C'est un moyen de remplir les caisses, c'est la voix du peuple. Je fais savoir tout ce qu'il rate aux aveugles. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais. On veut la marginale musique. Par amour du gain, par abat du gain, pour l'honneur des tiens. On veut la marginale musique. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais. On veut la marginale musique. Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais s'il nous faut pas. On veut la marginale musique. C'est des guerres et des combats, c'est des chèques et des contrats. Plein veulent y être mais n'y sont pas, ça elle reste on le racontera. C'est des textes et des constats, la parole ceux qui l'ont pas. Si tu pèses pas tu comptes pas, tu te relèves ou tu tombes bas. On persiste et qu'on aime ça, et le mic aime sentir nos mains sales. Tout s'agite sur un son infâme, c'est la course sur un sol instable. Sous les dettes toujours au même stade, tous veulent du cash et des belles femmes. Rouler en Benz et BMK, mais on va finir dans les mêmes flammes. Toujours pas décédé, j'ai toujours qu'un CDD. Tu veux peser, fais PDG ou des millions de CD. Je m'en tape ton opinion, tes critiques mais reste mignon PD. Juste un souvenir du bon vieux temps et de tout ce qu'on serrait. Ils se battent pour être à la page, fais pas comme Zizou, t'en vas pas. Tout à la rage, t'as pas la rage, tout s'écroule et tu tombes à plat. Écoute, on raconte pas de blabla, on résiste, on reste, on squatte là. Joue-nous du vrai son à voix de là. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend charmer. On veut la marginale musique. Par amour du gain, par abat du gain, pour l'honneur des tiens. On veut la marginale musique. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais. On veut la marginale musique. Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais ce qu'il nous faut, va rire. On veut la marginale. Envoie le son qui nous ressemble, le son qui nous rassemble. Envoie le son avant qu'on mette tout à feu à sang. Envoie le son qui frappe, le son qui fait trembler les bas. Parle sur mon rap, mais rappelle-toi, tu pourrais me prendre des baffes. Le son t'assomme, c'est pas une musique comme les autres. C'est le son de la zone, c'est contre ceux qui donnent les ordres. Le son qui tue, le son des bandits, le son qui met le fire. C'est le son qui dit ce que t'entendras pas ailleurs. C'est plus vrai que les infos, c'est le son qui le méprise. Le son qui attise les flammes, le son de la crise, les drames. La bande son d'histoire triste, mais aussi le son qui plaît aux femmes, le son qui t'envoie sur la piste. Trop d'aimes s'ils veulent me clash, mais ce sont des lâches. J'parle cash, j'ai attendu après personne pour que ça marche. Personne me représente, alors je le fais moi-même. Parce qu'on n'est jamais me servi par soi-même. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend charmer. On veut la marginale musique. Par amour du gain, par abat du gain, pour l'honneur des tiens. On veut la marginale musique. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais. On veut la marginale musique. Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais s'il nous faut pas. On veut la marginale musique.